Salut les gens et bienvenue dans la playlist. La playlist est un podcast musical qui va vous inviter à présenter vos 10 titres fétiches, les titres que vous verriez dans une playlist idéale. Tout est permis, musique, bande originale de films, générique télé, tout est autorisé. Tout sauf que vous ne pourrez en sélectionner que 12. Vous viendrez défendre votre playlist et surtout les deux parmi les 12 qui seront rejetés, car dans la playlist on ne choisit que 10 titres. Le choix sera difficile. Nous viendrons en discuter ensemble dans un épisode et à la fin de l'épisode sera l'occasion de sélectionner un titre de musique libre de droit parmi 3, parce que la bonne musique libre existe aussi. Autant vous prévenir tout de suite, je n'ai absolument aucune culture musicale hors du commun, je suis une grosse quiche. C'est pour cela que j'invite des gens pour parler musique à ma place. Je vais quand même agrémenter le tout ça de quelques petits points Wikipédia, vous ne m'en voudrez pas j'espère. La playlist de ce soir et le titre libre de droit seront disponibles sur le site de l'émission. On va parler musique ensemble et ce soir, nous ouvrons la playlist de Fox. Salut Fox, comment ça va? Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas. Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Je suis content de pouvoir venir parler musique parce que ça fait un moment que j'essaye de me faire une petite bibliothèque musicale, enfin une discothèque digne de ce nom. Donc je suis content qu'il y ait des podcasts comme ça qui émergent du coup. Qui se génèrent d'eux-mêmes du néant total. Exactement. Et merci d'abord d'être là pour ce pilote. Et surtout, bon courage pour défendre ta playlist. Il y a pas mal de choses sympas. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on va commencer en 1970 avec Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel sur l'album du même nom. C'est même une garçon que moi je m'attendais à une autre, c'était plutôt The Sound of Silence. Pourquoi celle-là justement? Parce que celle-là, ça a été vraiment une révélation, je peux dire. En fait, jusqu'à il y a un an, jusqu'à à peu près il y a un an, en fait, je connaissais pas franchement Simon & Garfunkel. Je connaissais le nom, je connaissais les classiques, Sons of Silence, Mrs. Robinson, tout ça. Même celle-là, j'avais dû l'entendre quelques fois plus tôt, mais sans qu'elle m'ait marqué. Et donc, c'était il y a un an, je me suis retrouvé dans un magasin où on vend des choses en occasion, enfin les cache-machins, comme j'aime les appeler. Et puis je suis tombé sur deux albums de Simon & Garfunkel pour pas cher. Celui-là, Bridge Over Troubled Water et The Sons of Silence, justement. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai commencé par Bridge Over Troubled Water. J'ai mis le disque. Cette chanson-là, vraiment, elle ouvre le disque. Dès les premières secondes, ça a été une... C'est difficile de parler de révélation, alors que cet album-là, il a 45 ans. Mais je me suis retrouvé transporté. Et puis c'est cette voix de Garfunkel qui, personnellement, moi, me touche au plus profond de moi-même. J'ai eu la chance de le voir d'ailleurs en concert en mars à la Cigale cette année et vraiment j'ai pleuré. Franchement j'ai perdu toute ma dignité. J'ai pleuré trois fois au moins. Parce que du coup voilà j'ai choisi cette chanson parce que Simon & Garfunkel c'est ultra connu. Le talent de Garfunkel en tant que songwriter, il est plus à prouver. Mais, bizarrement, je suis plus Garfunkel que Simon, à cause justement de cette voix qui me touche, m'émeut véritablement. Moi, si je me suis presque retenu de mettre que des chansons de Garfunkel en solo, tu vois, au bout d'un moment. Parce que vraiment, j'ai acheté... juste après cet achat, sans mentir, j'ai acheté tous les albums de Simon & Garfunkel et ensuite j'ai acheté tous les albums de Garfunkel en solo. Tellement il me touche cet artiste, ça a vraiment été un de mes grands moments de vie, je pense, niveau musique. Et puis surtout, cette chanson, elle a une histoire assez belle, si je puis dire, puisque en 1970, les Simon & Garfunkel sont un petit peu brouillés. ça fait déjà 4-5 ans qu'ils sont ensemble et les deux veulent commencer un petit peu à faire des choses de leur côté. Et pourtant ils s'adorent, c'est des amis d'enfance. Et Simon, pendant que Garfunkel est parti tourner le film Catch 22, Simon écrit cette chanson qui est en fait une chanson d'amitié, quoi, qui était vraiment, qui a vraiment été écrite pour rassembler les deux hommes. Et quand on entend le résultat, c'est criant de beauté, si je puis dire. Ah, surtout ça, c'est assez paradoxal vu qu'ils se sont séparés l'année d'après en plus. Bah ils sont, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ils se sont séparés en pas super bons termes, effectivement. Bon, après il y a eu des réunions, il y a eu quelques réunions de temps à autre. Finalement ils s'apprécient toujours autant, mais au début d'ailleurs c'était Simon qui devait la chanter tout seul et à la guitare, et à la base il y avait que deux couplets. Et c'est Garfunkel et Larry Knettel, le pianiste qui les a suivis depuis quasiment le tout début. Ils lui ont dit à Simon, mais écoute, cette chanson, il faut en faire un troisième couplet. Et c'est Garfunkel et Larry Knettel qui ont travaillé l'harmonie de la chanson, qui ont travaillé sur le piano au lieu de la guitare pour donner ça. Et franchement, je pense que si ça avait été différent, la chanson n'aurait pas du tout été la même. Bah, à chaque fois que je l'écoute, tu vois, j'ai les poils qui se hérissent, et c'est terrible. Il y a un petit quelque chose quand même, hein. Il y a cette impression d'adieu carrément dans cette chanson. C'est ça, c'est vraiment l'impression d'adieu, c'est la beauté, je sais pas, c'est un peu la nostalgie de leur amitié, je trouve. C'est vraiment, tu vois, maintenant je la connais, j'ai dû l'écouter plus de 100 fois, 200 fois, je sais plus, moi j'ai arrêté de compter. Mais à chaque fois, j'ai cette même boule qui monte et qui vraiment, je pourrais presque pleurer à chaque fois, en fait, vraiment. Ensuite, on va partir en 1986 avec de la chanson française, déjà 16 ans plus tard, avec L'envie de Johnny Hallyday sur l'album Gang. On me donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin. On m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie, enfin. On me donne la peine que j'aime dormir. En 1986, quand même. Alors pourquoi celle-là? Alors pourquoi celle-là? Et bah parce que tout simplement je suis fan de Johnny Hallyday depuis que j'ai 5 ans. Oh mon dieu! Oui. Cette révélation. Cette révélation qui va complètement m'anéantir. Mais non, vraiment. Et pourtant c'est de moi-même, si je veux dire, parce que mes parents sont pas fans. Mais il y a eu cette révélation, pareil, quand j'avais 5 ans. Mes parents avaient le live de Johnny Bercy 87 avec cette pochette sur fond bleu et lui en ombre qui m'a marqué du coup depuis. Et il y a eu tout cet album, tout ce live 87 m'a marqué, mais cette chanson tout particulièrement, bon, chanson écrite par Jean-Jacques Goldman bien sûr. Et de toute façon, je me devais d'en mettre une de Johnny Hallyday. Je me suis dit, je vais en mettre une qui est très connue, que les gens, que quasiment tout le monde peut aimer, même si Johnny a malheureusement beaucoup de détracteurs. Mais c'est une chanson que je pourrais m'écouter des dizaines de fois dans la même journée sans jamais m'en lasser. Et peu importe la période de ma vie, en fait, Johnny, il a toujours... m'a toujours redonné un peu la pêche, tu vois. Ça fait vraiment fan hardcore qui pense qu'à lui, mais c'est d'une certaine façon, j'ai grandi avec lui, donc il fait partie de ma vie maintenant. Mais cette envie, elle est forte. Cette chanson, elle est forte. Elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle est extrêmement réussie, surtout que vocalement parlant, Johnny est quand même un monstre qu'il faut avoir vu sur scène presque. J'ai eu la chance de le voir 3 fois sur scène, et toujours avec cette même, toujours avec cette même joie de gamin presque, j'ai envie de dire, À chaque fois, je suis émerveillé. Encore aujourd'hui, je suis émerveillé devant cet homme. Cet homme, de toute façon, je le défendrai toujours, pendant toute ma vie, je crois. Parce que il est assez sous-estimé par les jeunes, justement. Parce que il est vieux, parce qu'il écrit pas ses chansons ou les trucs comme ça. Je trouve pas que ce soit une bonne raison. On peut ne pas aimer l'homme ou quoi, parce que le fait qu'il écrive pas ses chansons, c'est pas franchement un problème. Joe Cocker écrivait pas ses chansons. Art Garfunkel écrivait pas les chansons. Tina Turner écrit pas ses chansons. James Brown, au bout d'un moment, écrivait plus les chansons. Et pourtant, eux, on se sent pas obligé de le rappeler perpétuellement. Pourtant, on les admire quand même. C'est pour ça que il y a un peu un bashing de Johnny que je trouve abusé et dégueulasse. Et puis voilà, de toute façon, cette chanson, cette puissance vocale et musicale, à chaque fois, me fait toujours du bien. Moi, je sais pas si toi, personnellement, Johnny te dérange ou pas, mais... Bah, sans être forcément fan, il y a des titres qui restent en tête, forcément. C'était quoi, Les Portes du Pénitencier, quelque chose de Tennessee, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il fait partie du paysage français, et surtout, il y a cette voix, cette puissance, comme tu disais, il y a une présence, il y a quelque chose. Exactement, et puis c'est quand même, c'est vraiment un chanteur qui peut quasiment tout chanter, franchement, je peux conseiller la version live en 1984 de Ne me quitte pas de Jacques Brel, par Johnny du coup, qui est tout aussi poignante que l'original. Bon bah évidemment ça n'atteint pas l'original parce que Jacques Brel se pose quand même un certain niveau. Il y a du niveau quand même. Voilà, un certain niveau. Mais de toute façon les deux hommes étaient très amis durant quand il était encore en vie. Et il y avait même eu un projet comme quoi Jacques Brel aurait pu lui écrire une chanson, mais finalement ça n'avait pas pu se faire. Mais voilà, cette reprise de Ne me quitte pas est géniale. De toute façon, Johnny peut tout chanter, même La quête, toujours de Brel, et maintenant de Gilbert Bécaud. C'est à chaque fois des grands moments. Et puis il y a tout un pan de sa discographie qui est presque oublié, parce que cette époque du milieu des années 80, avec l'album Rock'n'Roll Attitude, écrit par Michel Berger, et l'année suivante, 86, Gang, écrit par Jean-Jacques Goldman, ça a été un peu la période du renouveau pour lui, parce qu'il traversait une période de moins bien depuis le début des années 80. Et pourtant, même pendant cette période-là, il y a des bons morceaux, mais et puis surtout, on a tendance à oublier ces années 60 et 70 qui sont franchement cool aussi. Et il faudrait plus se pencher sur les chansons pas connues. D'ailleurs, sur Sens Critique, j'ai été même jusqu'à faire un top 15 des chansons de Johnny dont les gens devraient quand même commencer à comprendre qu'elles existent. Et en tête, il y a cette chanson que je peux conseiller aussi qui s'appelle La fille aux cheveux clairs. Ça me dit rien du tout. Eh ben voilà, c'est ça. C'est des chansons aussi comme Qu'est-ce que tu croyais conseiller. Des chansons comme... Oui, tiens, je suis en train de regarder vite fait. Merci Wikipédia, je vous avais promis des points Wikipédia. Retiens la nuit en 61. Noir c'est noir, 66. Ouais, ça c'est vraiment les classiques... les classiques intemporels. Ma gueule, oh oui, c'est vrai. Ouais, bah, 79, ma gueule, qui a interprété pour la première fois au pavillon des sports en 79. Il y a cette chanson sur la peine de mort, donc c'est terrible parce que j'arrive à avoir un trou de mémoire sur Johnny Hallyday, alors que pourtant habituellement je suis incodable. Si j'arrive à la retrouver, peut être La prison des orphelins. Cette chanson, elle fait aussi partie de mon top 15 justement, qui est très belle. C'est un duo avec Michel Mallory. Et non, cette chanson sur la peine de mort, c'est sur l'album Country for Folk Rock, qui est du début des années 70, et attends, elle s'appelle Sauvez-moi, voilà. Sauvez-moi, c'est une chanson vraiment sur la peine de mort, pour l'abolition de la peine de mort, qui est géniale. J'ai presque même envie de la comparer à Un dernier jour du condamné de Victor Hugo, mais en chanson. Ah oui. Ouais. Enfin, donc voilà, tout ça pour dire que Johnny, je l'aimais quand j'étais petit, je l'aime toujours maintenant, je pense que je l'aimerai toujours. Grand fan jusqu'au bout. Grand fan jusqu'au bout. Alors maintenant, on va plutôt aller en Grande-Bretagne avec The Alan Parsons Project pour Games People Play sur l'album The Turn of the Friendly Chord, sorti en 1980. Ah ça, j'adore la même. Ça se voit pas, mais là j'étais encore en train de faire du playback sur la chanson là dès le début. Ah mais moi j'ai les pieds qui bougent. Hein. Bah ouais, non mais c'est génial. Et pourtant c'est le titre presque le plus disco de ce groupe, qui pourtant l'est pas spécialement, parce que c'est un groupe de rock progressif à la base, rock progressif symphonique même, on peut dire. Et c'est pareil, voilà, avec ce troisième artiste, ce troisième groupe, c'est vraiment mes trois piliers. Pour moi, c'est mes trois où je me dis, il y a eu ce moment dans ma vie, pour le moment, où il y a eu le déclencheur. Johnny, ça a été pendant ma petite enfance. Alan Parsons, ça a été vers mon adolescence, 15-16 ans. Et Simon Garfunkel, Art Garfunkel, ça a été l'année dernière. Et c'est un groupe qui malheureusement n'est plus très connu, à mon grand dam, alors que pourtant ils ont une discographie assez fournie, ils ont 10 albums à leur actif entre 76 et 87, et c'est un groupe atypique même, parce qu'il est, y a pas de chanteur principal déjà pour commencer. La personne qu'on entend chanter, c'est pas Alan Parsons, la personne ne chante jamais sur les disques du Alan Parsons Project. À part des fois dans les chœurs ou avec un vocodeur. Là, le chanteur, c'est Lenny Zakatek. Et c'est un groupe qui s'est formé en 76 dans les studios Abbey Road, là où les Beatles ont enregistré maintes fois leurs albums. Ouais, parce que j'ai lu, un des deux a vraiment bossé avec les Beatles. Exactement. Le groupe est vraiment composé. Le noyau dur, c'est Alan Parsons, Eric Wolfson, et il y a le troisième homme de l'ombre, Andrew Powell, qui lui est... Et l'arrangeur qui arrange un peu les morceaux, dont je reparlerai un petit peu plus tard parce que il est en lien avec Kate Bush d'ailleurs. Et donc Eric Wolfson, c'était un mec qui dans les années 60-70 était un auteur-compositeur qui a écrit des chansons pour Herman Selmit et Marianne Faithfull, donc deux grands artistes de leur époque. Et donc Alan Parsons, qui est à la base un ingénieur du son, qui a effectivement bossé sur des albums mythiques qui sont Abbey Road des Beatles et l'album blanc, si je ne dis pas de bêtises, Let It Be, c'est Let It Be, donc le dernier. Et surtout, ensuite il a travaillé avec les Pink Floyd sur Atom Heart Mover et sur le cultissime Dark Side of the Moon, qui est encore aujourd'hui le troisième... Dans le top 10 des meilleures ventes d'albums du monde, parce qu'il est en 3ème position ou 4ème si je me gourre pas. Donc cet album Dark Side of the Moon, il était reconnu bon, pour sa qualité musicale évidemment, mais pour cette qualité de son justement extraordinaire dont tout le monde vantait les mérites à l'époque. Ça lui a vraiment fait une pub du tonnerre, ça a affermi sa position en tant qu'ingénieur du son. Et donc ces deux hommes, Eric Wolfson et Alan Parsons, se rencontrent au studio Abbey Road en 75-76 et ils décident de faire un album commun, puisque les deux hommes sont des fans de l'auteur Edgar Allan Poe. Donc c'est la grande particularité en fait de ce groupe, qui à chacun de leurs albums, c'est un concept album, c'est-à-dire qu'il y a toujours un thème qui soit clair ou moins. Donc ce premier album qu'ils sortiront, c'est The Tales of Mystery and Imagination. Donc c'est un album qui est basé sur les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Donc il y a La Chute de la Maison Usher, il y a Le Cœur Révélateur, il y a le Corbeau. C'est un album assez rock, progressif, et puis vraiment qui a eu de très bonnes critiques à son époque. L'album suivant, c'était iRobot, bon, c'est inspiré du livre de Isaac Asimov. Il y a eu l'album Pyramide, dont l'inspiration, voilà. Eve, c'est les femmes qui l'inspirent. Et cet album, qui pour moi est vraiment mon album préféré de tous les temps, The Turn of the Friendly Card, c'est inspiré par les jeux d'argent, les casinos. Bon, je ne vais pas détailler tout le reste de la discographie, mais l'année, en 1982, il y a quand même eu leur plus grand succès, c'est l'album Eye in the Sky. Et leur plus grand succès, c'est la chanson du même nom, dont l'intro Sirius. Bon, quasiment tout le monde presque a déjà dû l'entendre, et puis surtout elle a été utilisée pendant très longtemps pour l'entrée des Chicago Bulls en NBA. Parce qu'il faut écouter ce morceau Sirius in the Sky, on comprend, il y a cette portée, il y a cette portée épique. Et pour en revenir à ce morceau-là, Alan Parsons Project, c'est bizarre parce que la toute première fois que j'ai entendu cet album, bah, j'étais pas spécialement fan. À part justement cette chanson Game People Play, que je me suis écouté en boucle des dizaines de fois quand j'ai commencé à l'entendre. L'album était à ma mère à la base. Et puis je me suis dit après, bon, il faudrait que je redonne sa chance à l'album. J'ai redonné la chance, j'ai bien aimé. J'ai réécouté. Je suis devenu fan. Et ça a continué encore aujourd'hui, c'est pareil, j'ai eu la chance d'aller voir sur scène, c'est une tuerie. Et puis voilà, après la séparation du groupe en 87, Eric Wolfson a commencé à faire des comédies musicales. Une sur Freud. Ah ouais. Ouais, dont l'album, l'album c'est Freudiana, et c'est pareil, ça fait partie de mon top 10 albums, ça. Ça doit être mon quatrième album préféré. Et Alan Parsons va continuer une carrière solo quasiment avec les mêmes musiciens du temps du Project et différents chanteurs. Mais oui, ce groupe est un peu mythique d'une certaine façon de par son concept, de par ses membres, parce que comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de chanteur principal. C'est une succession de chanteurs différents qui reviennent ou qui partent. C'est, vraiment, il y a dû y avoir une bonne dizaine de chanteurs différents à chaque fois. Et franchement, je conseille aux gens d'aller se pencher un petit peu sur cette discographie, parce que c'est du rock progressif, mais assez accessible. C'est pas comme du Yes ou du King Crimson. Vraiment, je pense que les gens peuvent foncer dedans, c'est de la bonne. Mais j'ai l'impression que, à travers tout ce que tu dis, ou même l'époque, c'est vraiment une époque d'expérimentation. Oui. D'essai, de gros bouillonnement avec l'arrivée de l'électronique. Bon, Dark Side of the Moon, forcément, mais il faisait partie de ce mouvement-là. C'est ça, c'est un peu ça. En fait, de toute façon, les années 60-70, c'était l'époque où la musique, en fait, on faisait pas ce qu'on voulait, mais on laissait les artistes faire tenter des choses un petit peu bizarres sans forcément leur chier dessus. Après les années 80, on commençait à être un petit peu l'époque où on a voulu faire des chansons un petit peu plus grand public, plus facile. Pas comme aujourd'hui encore. Heureusement, dans les années 80, il y a quand même eu une montagne de trucs avec plein de créativité. Et oui, et puis donc du coup, Alan Parsons ayant bossé avec les Pink Floyd, avec les Beatles, et effectivement, il y a cette influence qui en ressort. C'est pour ça d'ailleurs que je parle de rock progressif, puisque Pink Floyd était pareil, un parangon, un chef de file du rock progressif. Juste rajouter un petit truc, si vous êtes joueur, vous avez sûrement entendu The Alan Parsons Project, puisque I Wouldn't Want To Be Like You est dispo sur la bande-son de GTA V. Sur la station Los Santos Rock Radio. C'est vrai. Oh, juste comme ça, mettez-le à l'occasion, vous allez voir. Je crois même que ce morceau-là, Game People Play, est aussi disponible dans GTA Vice City Story, si je dis pas de bêtises. Faudrait revérifier. Ouais. Je verrai bien. Bon, vous verrez bien, moi je vais pas chercher, je vais la flemme. De toute façon. Ouais. Alors maintenant, on va retourner aux origines de la démocratie avec un des papes de la musique électronique et des bandes originales avec Alouf, I Will Find My Way Home sur l'album The Friends of Mr. Chiron par John Evangelis, sorti en 1981. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? Ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find. Elle est plutôt atypique, celle-là, de petite relate Vangelis. Ouais. Pourquoi celui-là? Pourquoi celui-là? Parce que quand j'ai fait la playlist, en fait, j'hésitais à mettre un titre soit de Vangelis tout court, soit de Yes. Il se trouve que le chanteur de Yes, c'était John Anderson, enfin John Anderson, parce qu'il n'y a pas de H dans, dans son prénom, donc on prononce John. Et ces deux artistes se sont rencontrés à l'époque de l'album Relayeur de Yes, parce qu'ils cherchaient un nouveau claviériste, parce que Rick Wakeman était parti. Finalement, Vangelis n'a pas rejoint le groupe parce que ça le faisait chier de se déplacer jusqu'à Londres, en fait. Et mais les deux hommes sont quand même restés en contact, bons amis. Et ils ont commencé à publier des albums sous ce nom-là, John and Vangelis. Donc, ce que j'ai vraiment besoin de rappeler, que Vangelis, c'est quand même... c'est pareil, c'est un artiste de génie. C'est celui... C'est un cador, c'est un monstre. C'est un cador, un monstre qui a signé les bandes-sons de Blade Runner et de... Oui, tu aurais mis Blade Runner, tu aurais continué. Exactement, voilà. Et de... 1492, Christophe Colomb, les chariots de feu, Antarctica... Exactement, les chariots de feu. Oui, c'est ça. C'est ce thème de sportif qu'on entend à chaque fois qu'il y a un truc, c'est lui aussi, pareil. L'apocalypse des animaux, c'est lui. Enfin bref, voilà, il y en a tellement à dire. Donc voilà, il y avait cette chanson qui me parle aussi, parce que c'est une chanson de mon enfance. Ma mère avait cet album et l'écoutait assez souvent. Il y a cette voix de Vangelis qui est quand même très, très particulière, parce qu'elle est très haute. Elle est très haute. C'est pour ça qu'elle est reconnaissable entre mille. Et puis il y a ce son à la Vangelis qu'on reconnaît par exemple à ce moment-là. C'est synthé. C'est une chanson, je trouve, qui respire pas la joie de vivre, mais un peu dans le genre. Elle te fait te sentir bien. Ça te saute peut-être pas aux oreilles à la première écoute, mais en l'écoutant plusieurs fois, il y a une sorte de bonheur, d'extase qui te vient naturellement et qui te transporte un petit peu au-delà. De toute façon, Vangelis avec ses synthés te transporte toujours ailleurs, Il y a un petit côté, on pourrait vous vendre du yaourt hippie dessus. Un peu, c'est vrai. Mais pourtant, le reste de l'album The Friends of Mr. Cairo est pas forcément autant synthé que ça. Bon, bien sûr, ils y sont, parce que encore une fois, c'est Vangelis. Et le synthé, pour lui, c'est la vie. Cette chanson me parle à chaque fois. Ça me rappelle mon enfance. Et je trouve qu'elle passe quand même assez bien. Elle est assez... Elle est assez tout public malgré tout. À l'époque, elle a fait de bonnes ventes. Hein. Ça n'avait pas été un carton interplanétaire, mais en tout cas en Europe, elle a bien marché. Moins aux États-Unis, je crois. Que dire de plus ? De toute façon, c'est pareil. Cet album-là, The Friend of Mr. Cairo, je conseille de l'écouter parce qu'il y a des chansons absolument géniales dessus. Bah, la chanson titre d'ailleurs, qui est un hommage au polar, au bon vieux polar des années 50, les films avec les films en noir et blanc. On entend même certains acteurs réciter un texte un peu dans le même genre. On entend les bruits de coups de feu. La chanson titre de cet album est assez géniale. Et de toute façon, oui, comme j'ai dit, j'hésitais entre une chanson de Yes et une chanson de Vangelis pour cette playlist. Je me suis dit, celle-là, du coup, elle réunit les deux, c'est bien. Si je pouvais quand même conseiller une chanson de Yes, ce serait quand même... Ah, ça y est, ça gratte. Ça gratte déjà. Ça gratte comment ? T'es en train d'essayer de gratter pour ajouter des morceaux. Ah non, c'est juste... Je conseille aux gens, s'ils veulent voir, ils vont voir, sinon tant pis. Il y a la chanson Soon sur l'album Relayeur d'ailleurs, qui est la dernière partie d'un morceau de 20 minutes qui s'appelle The Gates of the Delirium. Mais cette chanson Soon est sortie en single. C'est absolument génial. Franchement, j'utilise pas trop ce mot là parce que. Mais vraiment, cette chanson elle est magnifique. Et de Vangelis, il y a un album qui s'appelle Direct. Qui est pas une BO de film, mais qui est génial parce qu'il y a une moitié d'improvisation, moitié de trucs un peu écrits, mais pourtant ça reste très cohérent musicalement parlant. Et il y a cette chanson Intergalactic Radio Station, si je dis pas de conneries, qui pareil, à la première écoute, je l'ai eu en tête pendant un bon moment, et puis elle est planante et épique à la fois. Donc voilà, Intergalactic Radio Station, c'est bien ça. Donc foncez découvrir l'œuvre de ces trois artistes. C'est pas mal aussi. Ça fait déjà une playlist de 14 morceaux, c'est une horreur. On va jamais y arriver. Ouais, j'ai parlé de ça 10 secondes, ça va. Alors, on va avancer dans le temps jusqu'en 1985 avec Joséphine de Chris Rea sur l'album The Shamrock Diaries. Avec mon accent anglais. Génial. Les mots qui est trop bien. Joséphine, parce que Chris Rea, c'est un artiste qui m'a été révélé par George Lang. Alors George Lang, Saga. Ouais, exact. Ouais, ce mec est nocturne, génial. Ouais. Donc pour ceux qui pour ceux qui connaîtraient pas, éventuellement, les Nocturnes de George Lang, c'est une émission qui dure depuis plus de 40 ans sur RTL. D'ailleurs, je te coupe 30 secondes. C'est encore disponible en podcast. Il continue à les faire et c'est disponible au téléchargement. Exactement, oui, ça continue encore. D'ailleurs, il y a eu les Nocturnes de l'été, encore cet été. Et ce type est une grande figure de la radio, avec sa voix reconnaissable entre mille, pareil. Et cet homme sort des compilations depuis 4-5 ans que j'encourage à aller écouter, parce que ça m'a permis de connaître plein de trucs, dont Chris Rea, justement. Sur cette première compilation, il y avait le morceau On the Beach qui était génial. Du coup, j'ai voulu explorer un peu plus la discographie de ce monsieur, qui, pareil, est connu dans le milieu, qui a eu une grande période, mais qui aujourd'hui est un petit peu moins mis en avant. Et parmi les premiers albums que j'ai acheté de lui, c'était il y a eu On the Beach et puis il y a eu The Shamrock Diaries avec cette chanson Joséphine qui est en hommage à sa fille. Et de toute façon, je pense qu'il suffit tout simplement de l'écouter pour comprendre pourquoi cette chanson me plaît. C'est Chris Rea a cette voix profonde qui te réchauffe. Et qui passe en toutes circonstances, je crois. C'est franchement un chanteur idéal pour la fin de soirée, tu vois. Quand on se pose un petit peu, tout le monde est un petit peu crevé, on a bien bu, on a bien fumé, on met ça. Les gens se laissent aller. Tout le monde se retrouve dans une sorte d'état d'hébétude. Et Chris Rea, c'est un mec qui fait quasiment que des chansons un peu comme ça, un peu rock des fois. Un petit côté voilà, blues quand même. Un petit peu rock, un petit peu blues, surtout blues même d'ailleurs. Et un petit peu planant même des fois, à l'image de Joséphine, mais c'est pas ce qui fait le plus. Mais il y a ce truc en plus chez lui, et puis cette chanson, voilà, avec ce groovy et en même temps cette douceur mêlée qui passe impeccablement. C'est un très grand guitariste, Chris Rea. Il a ce son caractéristique. Et puis de toute façon, voilà, j'ai du mal à en dire plus, parce que c'est pareil, Joséphine, c'est une chanson qui me transporte à chaque fois. Mais avec ce ton un peu rauque dans la voix, il me rappelle un peu Joe Cocker. Peut-être moins dans la puissance, mais peut-être plus dans la finesse aussi. Plus dans la finesse, et puis un peu moins rauque quand même. J'ai hésité d'ailleurs aussi, pareil, à mettre une chanson de Joe Cocker quand j'ai appris sa mort, fin de l'année dernière, j'ai failli pleurer, pareil. Mais c'est pas exactement le même ton, Joe Cocker. Joe Cocker est quand même plus rock, rock période Woodstock. Suffit d'écouter sa reprise des Beatles, With a Little Help for My Friend, qui ressemble absolument pas à l'original. Et qui est bien plus rock, blues, avec ses chœurs. Et puis... Oui, il y a quand même un petit quelque chose, je vois ce que tu veux dire, mais je pousserai pas la comparaison jusque-là, quand même. C'était juste comme ça pour le temps. Il m'avait rappelé un petit peu aussi pareil les premières fois que j'ai écouté, mais après en achetant pas mal de ses albums, on voit la différence qui est assez nette. C'est pas tout à fait le même genre, même presque pas du tout le même genre. Je n'irais pas dire qu'il a une voix rauque, un peu comme Renan Luce, faut pas déconner. Ouais. Hein, attends, Renan Luce a une voix rauque. Lettres, etc. Ouais, bref. Il est un peu asthmatique, c'est tout. Oui, voilà. Et c'est pas Grégory ouais. Le Marchand. Ouais, enfin, c'est pareil, de toute façon, je conseille la discographie de Chris Rea, même si à la rigueur c'est plus grand succès ou c'est best-of pour ceux qui n'ont pas trop envie de se faire chier, qui veulent commencer doucement, ça peut plaire à tout le monde, de toute façon. Alors ce soir, on est assez américain, britannique et rock. On était aussi assez masculin quand même. Et bien, on va passer avec Kate Bush et Running Up That Hill sur l'album The Hounds of Love, sorti en 1985. Ça a été un coup de cœur assez récent, en fait. Parce que pendant longtemps, j'ai connu que sa chanson la plus connue, qui était Wuthering Heights, alors je sais pas du tout si je le prononce bien, mais c'est les hauts de Hurlevent en français, quoi. Et la chanson est inspirée du roman, d'ailleurs. Kate Bush, elle a cette voix particulière. J'ai l'impression de le dire pour quasiment tous les chanteurs, mais... Mais non, Kate Bush, elle a un timbre assez reconnaissable quand même. Tout de suite, il suffit d'écouter Wuthering Heights pour être très surpris. On a l'impression vraiment qu'elle est en suraigu. Et pourtant, ça passe vachement bien. Et donc, Kate Bush, je voulais pas découvrir l'artiste sans acheter l'album où il y avait ce titre. Les Hauts de Hurlevent, parce que j'ai pas envie de le redire en anglais. Et j'ai réussi enfin à mettre la main dessus lors d'une foire au disque. Cet album est très très très bon. Et justement, je rebondis parce que je reparle de Andrew Powell, le troisième homme du Alan Parsons Project, qui était le plongeur. Il a contribué à lancer Kate Bush dans le métier, puisque c'est lui qui a produit ses deux ou trois premiers albums. Et d'ailleurs, il y a pas mal de musiciens du Alan Parsons Project qui jouent dessus. Donc ce n'est pas le cas de cette chanson. tout ça pour ça. Mais cette chanson... Alors, tu vas me dire ce que t'en penses, toi aussi, parce que justement, ça m'intéresse. Il y a ce côté noir. Il y a ce côté noir, mais en même temps très reposant, très apaisant. Mais on sent une certaine gravité, et due, je crois, principalement aux percussions. Et puis voilà, à ce petit son là, qui est le petit coup de synthé, que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement. C'est une chanson qui bizarrement me parle alors que je comprends pas forcément toutes les paroles. Faudrait que j'ai été les voir un peu sur internet, mais. Mais il y a aussi ce côté un peu épique qui, je trouve, est pas banal. De toute façon, pour l'époque, Kate Bush a été une source d'inspiration pour des centaines d'artistes post-années 90-2000. Je comprends pourquoi. Il y a ce son qui appartient qu'à elle. Je pense que si quelqu'un d'autre la chantait, cette chanson, ça irait pas. Elle a, c'est pas comment ça passe, une tessiture, une tessiture. Ouais, une tessiture. Elle a ce petit quelque chose quand exactement, même. Exactement. Et puis c'est elle qui compose aussi la majorité de ses titres. Parce que j'ai recherché deux trois petits trucs, merci Wikipédia. Elle compose, elle produit elle-même, elle s'est montée son studio à l'époque. Elle a produit pas mal de monde aussi depuis son succès. C'est vraiment une artiste complète. En fait. Elle est assez autodidacte. Alors elle a été quand même découverte par David Gilmour, donc le guitariste de Pink Floyd. Donc c'est quand même pas rien pour que Monsieur Gilmour J'ai presque envie de l'appeler Gilmour SNCF maintenant, c'est terrible. Mais le pire, c'est que je l'ai écouté cette chanson. Si t'enlèves le jingle, elle est pas. Enfin, pour nous, ça fait bizarre, mais bon, bref, elle est pas mal. Être reconnu par David Gilmour et être lancé par lui, je pense quand même qu'il doit y avoir une raison. Parce que à l'époque, quand Kate Bush a été lancée, elle avait la toute petite vingtaine. Soit elle avait 19 ans, soit elle avait la toute petite vingtaine. Donc c'est quand même bon bah aujourd'hui pour nous ça a l'air ça a l'air très jeune, mais une artiste, mais à l'époque une artiste qui est aussi autodidacte, qui a composé ses premières chansons alors qu'elle avait que 14 ou 15 ans, parce que ça s'est pas enregistré tout de suite, elle les a enregistrées quand elle avait 14-15 ans, je crois que Wuthering Heights elle dit qu'elle l'avait composé un soir de pleine lune en regardant la lune, un truc comme ça. Oh mon dieu. Qu'elle lisait pas Twilight, ça va. Non, bah voilà, c'est ça. En même temps, à l'époque. Oui, c'est ça. Heureusement, ça n'existait pas. Ouais, elle était protégée, c'est ça. Donc voilà, pour qu'à l'époque, une môme de 14-15 ans soit autant autodidacte, sache exactement comment elle veut son, qu'elle compose, elle réussisse à écrire des trucs comme ça, je pense que c'est pas un hasard. C'est David Gilmour, il s'est dit, elle est pas mal. Voilà. Et effectivement, de toute façon, il suffit de voir le reste de sa carrière. C'est quand même une artiste très. Très réservée, très intime, puisque elle a fait qu'une seule tournée. Elle a vraiment fait qu'une seule tournée de concert, c'était celle qui avait suivi les sorties de ses deux premiers albums. Et depuis, elle n'a pas refait de concert. Elle a refait un concert récemment, je crois, il y a 3 ans maximum, quelque chose comme ça, ou peut-être même 5, mais pas plus loin. Et, parce que oui, c'est une artiste accomplie, comme tu le dis, parce que. Elle a fait aussi pas mal de danse classique. Et si tu regardes des clips de Kate Bush, bah d'ailleurs ce clip-là, là, de Running Up That Hill, tu te rends compte, elle passe son temps à danser avec un mec, et puis tu vois quand même qu'elle a du niveau. Et elle expliquait qu'elle voulait pas faire de tournée parce que justement c'était énormément de boulot. Elle, en fait, j'ai pu voir des vidéos de sa première tournée où elle se donne vraiment, parce qu'elle reproduit aussi les chorégraphies, ce serait un peu presque une star de J-pop. Oula, oula, oh là, là, là, là. Non, enfin, tu vois sur quel point, parce que les stars de J-pop, ils dansent et tout. Puis elle disait que ça était vraiment énormément de boulot et qu'en plus, elle était assez pointilleuse sur ce genre de choses-là. Et je trouve que justement, le fait qu'elle soit assez réservée comme ça, ça ajoute ce petit part de mystère. De toute façon, il y a toujours eu un peu un mystère qui a entouré Kate Bush. Et elle fait un peu peur presque, parce que si tu regardes le clip de Wuthering Heights, enfin les hauts de Hurlevent, je vais te dire comme ça maintenant, parce que j'en ai marre avec l'accent. Non, laisse-le en français. Voilà, laisse-moi les accents ridicules. Voilà, parce qu'en plus je suis même pas sûr de bien le prononcer. Donc si tu regardes ce clip des hauts de Hurlevent, là c'est dès le début de la chanson, la version quand elle est en robe blanche, elle a ce regard qui a l'air de te dire je vais te manger. mais vraiment, allez le voir ce clip, la version robe blanche, parce qu'il y a deux versions de ce clip, il y a robe blanche. Là, je mets en robe rouge. Ouais, voilà, bah c'est l'autre. C'est, même comme ça, elle a des mimiques dans ce clip, pareil, qui te font un peu peur. Ah, je crois que je l'ai, 1178. Voilà, de toute façon, elle a. Ah oui, le maquillage blanc et les yeux qui ressortent. Voilà, c'est ça, qui a l'air, ils ont presque l'air de sortir des orbites, c'est terrifiant. J'espère que c'est pas le début du glam metal et tout le. Ah, je sais pas, voilà, il y a ce côté, voilà, justement mystérieux qu'on cherche à percer chez Kate Bush, qui se ressent dans sa musique et que j'aime beaucoup. Voilà. C'est horrible cette musique-là, ça me donne envie d'acheter du parfum pour toilette, mais c'est parce que. Ah oui, je vois, ouais, je vois le truc, oui. Et pourtant, voilà, et cette chanson, c'est pareil. La dernière fois, j'étais en bagnole, je roulais de nuit, celle-là, je l'ai passée à fond, et moi, j'étais comme un fou en train d'essayer de refaire les mimiques du clip. Je devais avoir complètement l'air con dans ma bagnole, mais. C'est que de là qu'on peut le faire. Voilà, exactement. Enfin voilà, donc Kate Bush, elle est quand même restée assez connue, tant mieux pour elle. Et il faut écouter quelques-uns de ses titres, parce que c'est particulier et en même temps très beau. Mais quoi, là, au 80, c'était Babushka. Je pense qu'elle a été très très très très connue pour ça. Babushka, ouais, c'est un de ses titres les plus emblématiques aussi. Tout le monde la connaît, Babushka, le refrain. Mais au moins le refrain, ouais. ça marche bien. Babouchka, babouchka, babouchka, yeah, yeah. Et sinon, pour terminer, sur la rue, quand tu refaisais toute la chorégraphie, tu n'as pas croisé de dame blanche, j'espère. Non, ça va, là, j'ai pas non, eu Non, ça problème. Va à ce niveau-là. Puis quand même, il faut avouer qu'elle était très jolie. je sais pas si ça s'est arrangé avec le temps. Ne soyons pas mauvaise langue. Non, et puis c'est très sexiste là quand même, parce que j'aurais pu parler de la, j'aurais pu parler de la beauté de Chris Rea et de Alan Parsons, ses consorts. Mais voilà, on coupera ça au montage. Alors, retour en France, encore dans les années 80, 1987 pour être exact, avec Mans, interprété par Eddie Mitchell sur l'album Mitchell. Juste d'avoir mes 14 ans, je veux plus d'école, je suis devenu grand. Je te promets, je te gagne plein d'argent. Maman, je viens de fumer ma toute première week-end. C'est marrant, c'est que ce soir, sur les fortifs, quoi, il est 1h45 du matin. C'est très lounge comme ambiance. Tous les morceaux que t'as passé à la suite comme ça, c'est une ambiance très cool. Ouais, et pourtant, j'ai essayé de mettre des trucs un peu plus rock, l'envie, Game People Play. Ouais, mais effectivement, depuis 2-3 morceaux, ouais, c'est ouais. Un peu plus. Bon, ce sera un petit peu plus. Un tout petit peu plus rock sur la prochaine. Ah non, c'est pas une critique, hein, c'est très très bien. Non, mais c'est pas. Bah voilà. En fait, je t'ai dit, quand j'ai pensé à faire cette playlist, je me suis dit, c'est pas forcément mes 10 titres préférés de tous les temps. Je me suis dit, il faut que je fasse cette playlist comme si je faisais une playlist un peu en soirée, un truc qui se marie bien, des chansons qui se marient bien entre elles. Ah, on t'avait pas prévenu, cette playlist-là, elle sera gravée sur le marbre, il n'y en aura pas d'autres. Ah merde. C'est dommage. Flûte. Bon, mince. Tant pis, je ferai avec, j'aurai la honte, c'est tout. Alors, donc, pourquoi Eddie Mitchell? Pourquoi Maman? Alors, Eddie Mitchell ment parce que c'est tout simplement ma chanson préférée de Eddie Mitchell, pour le coup. Parce que Eddie Mitchell, bon, je vais pas dire pareil, je vais pas dire que j'ai eu la révélation, mais il y a eu son dernier live, parce que maintenant il a arrêté la scène, pour ceux qui ne le savent pas, depuis 3-4 ans. J'ai écouté ce live parce que mon père l'avait acheté, pareil, hein, mes parents n'étaient pas fans de Eddie Mitchell, avant ça ils en avaient jamais acheté aucun. Et moi de mon côté, Eddie Mitchell, je connaissais Sur la route de Memphis, Couleur Mentalo. On avait passé Johnny avant, ça fait partie des monstres, des monstres sacrés français. Voilà, ça, exactement, mais c'est pareil, c'est presque pareil que Johnny. Par les jeunes, c'est un vieux qui... Bon, pour le coup, lui écrit les textes, donc voilà. Mais on s'intéresse pas forcément du coup au reste de sa discographie ou de ses chansons. On reste sur les succès principaux. Et puis voilà. Et donc sur ce live, ma dernière séance, il y avait cette chanson qui m'a. Dès les premières notes, j'ai su que là, il fallait que je tende l'oreille parce qu'il y avait un truc. Et puis quand t'écoutes le texte de cette chanson, elle est assez forte quand même. C'est le gamin du début d'adolescence qui veut voir, qui veut devenir grand, quoi. C'est niveau vocal, niveau texte, niveau tout, c'est une chanson qui me touche et c'est devenu ma chanson préférée d'Eddie Mitchell avec le temps. Alors c'est une chanson qui est écrite par Claude Moine, donc du coup Eddie Mitchell, parce qu'il signe ses textes Claude Moine, et la musique... C'est pas pour être méchant, mais Eddie Mitchell c'est quand même vachement plus classe. Hein. Que Johnny? Non, que Claude Moine. Ah, bah oui. Bah, tu sais, au début des années 60, il fallait paraître américain. Oui. Donc, du coup, voilà. Bah, c'est pareil, Johnny Hallyday, c'est quand même un peu plus classe que Jean-Philippe Smet. Oui, c'est clair. Attends, ça y a pas à chier. Ouais. Hein. Et donc, du coup, les paroles sont écrites par Eddie Mitchell. Donc, on sent le vécu, de toute façon, je pense. Et la musique est écrite par Pierre Papadiamandis. Donc, qui est vraiment son compositeur attitré depuis le milieu des années 60. Pierre Papadiamandis, d'ailleurs, qui, pour la petite anecdote, si vous connaissez ou si vous avez regardé le hors-série du Joueur du Grenier, a écrit un des génériques ou même plusieurs de Téléchat. Oh, puis il y a eu une expo qui s'est terminée il n'y a pas longtemps sur Téléchat aussi. Une expo? Ça, je ne savais pas. Si je voulais vous faire peur, ouais, c'est... et pourtant ce générique, je l'aime bien, donc c'est... peut-être ceci explique cela. Il y a quelque chose, mais c'est le reste qui est extrêmement flippant. Mais donc du coup, Eddie Mitchell, j'ai eu un coup de cœur pour ce live, et du coup je me suis dit, bordel, c'est con, c'est pareil, je vais pas me contenter des chansons habituelles. Donc alors allez, c'est parti, qu'on va dans les foires audits, les cash machin et tout, qu'on achète les albums en occasion, et puis du coup là je dois en avoir une bonne vingtaine ou un truc comme ça. Bon, pour le moment j'atteins pas encore le niveau de Johnny, parce que je crois que j'ai dépassé les 80 la dernière fois. Oh, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Du coup, le premier album de Eddie Mitchell que j'ai acheté, c'était Monsieur Eddie. Donc, l'album de 1996. Et puis, c'est pareil, dès les deux premières chansons, j'ai su qu'il fallait que je tende l'oreille, parce que c'est vachement bien. Du coup, sur Monsieur Eddie, c'est pas là qu'il y a le cimetière des éléphants ? Non. Le cimetière des éléphants, c'est... Je sais plus. Non, sur Monsieur Eddie, donc du coup, il y a entre autres deux chansons très très cool qui s'appellent Les Tuniques Bleues et Les Indiens. Oui. Voilà, et un portrait de Norman Rockwell. Oui. Qui, pour les gens qui connaîtraient pas ces chansons-là, sont vraiment très, très belles. Les Tuniques Bleues et Les Indiens, d'ailleurs, est plus rock quand même déjà. Et met en avant quelques problèmes de notre société. Mais donc du coup, pour en revenir à Mans, il y a ce texte, il y a cette ambiance musicale, il y a cette voix suave, parce que on a tendance souvent à comparer Eddie et Johnny, puisque bon, c'est les deux super meilleurs potes de l'époque qui y est. Ah bah les vieilles canailles maintenant. Voilà, les vieilles canailles que j'ai vu le concert au cinéma, parce qu'il fallait quand même pas déconner. Pourtant ils ont des voix assez différentes, des façons de chanter assez différentes et un répertoire assez différent. Il faut que les gens ils essayent de dépasser les versions, les chansons les plus connues. Moi-même, pour certains artistes, j'ai du mal. Mais on fait toujours de très belles découvertes, et donc du coup le cimetière des éléphants, en fait, c'est tout bêtement sur l'album le cimetière des éléphants. Oui, je suis en train de rechercher en même temps. Je viens de m'en rappeler, c'est en 82. Et donc voilà, il y a tout un tas de chansons de Monsieur Eddie, enfin de Schmoll, comme on l'appelle aussi couramment, qui sont moins connues et qui pourtant méritent de l'être tout autant. Voilà, c'est le live de Mini que je cherchais, en fait, où on le voit, veste noire, micro, avec une marque jaune M derrière lui, sur un mur en briques. C'était génial. Voilà, ça, c'est le live de 2000, ouais, qui est très cool. Ouais, bah, c'est pour ça que, du coup, tu connais les Tuniques Bleues et les Indiens. Voilà, c'est ce qui m'est revenu. Voilà. Eddie Mitchell, un grand parmi les grands. Je pense qu'il est encore vivant, faut qu'on en profite. Oui. Mais vu qu'il ne remonte plus sur scène, alors à moins qu'il y ait un miracle ou que la scène lui manque. Cependant, il continue encore de sortir des albums, puisqu'il en a sorti un en fin 2013 ou début 2014, je sais plus, alors que la scène, du coup, il a arrêté. Avec un petit bémol quand même, parce qu'il y a Nolwenn Leroy qui chante dedans à un moment donné. Mais bon. Aïe. Je vais avoir très peur si les prochaines années on va avoir des hommages à. Non. Mais... avec machin et trucs qui vont commencer à chanter comme ils ont fait pour Renault, ça va me faire très très peur. Ouais, non, n'y pense pas. Pitié, non, s'il vous plaît, arrêtez ça. Bon, on va changer un petit peu, on va repasser le tunnel sous la Manche, même s'il n'existait pas à l'époque, pour retrouver Little Lies de Fleetwood Mac la même année sur l'album Tango in the Night. Très années 80 quand même. Hein. Bah ouais, je sais, mais que veux-tu, en faisant le truc pour que tout le monde aime bien. T'es tombé sur la roue des synthés. Ouais, c'est ça un peu. Bon, la prochaine chanson, il n'y aura pas. Alors, pourquoi Fleetwood Mac ? Alors, Fleetwood Mac, parce que c'est un groupe qui m'a marqué. De toute façon, tous les artistes que j'ai choisis, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, ils m'ont marqué, évidemment. Je choisis pas ça au hasard. Alors Fleetwood Mac, donc cette chanson, elle fait partie de la période plus américaine, plus pop du groupe. puisque si tu écoutes les 10 premières années du groupe, le son est pas du tout le même. C'est un groupe qui s'est fondé dans, au début ou au milieu des années 60, j'ai un doute. À la base même, ça s'appelait Peter Green Fleetwood Mac. Bon, Peter Green du nom d'un des guitaristes, donc il a eu une carrière solo connue dans le milieu du blues, hein, pareil. Et donc du coup, les premières années de Fleetwood Mac étaient anglaises, et c'était vraiment le rock anglais, le rock blues anglais de ces années-là. Et c'est un groupe qui a quand même cherché à se renouveler un petit peu, pas perpétuellement, mais qui a eu des coups de moins bien, donc qui a su qu'il fallait faire autre chose. Déjà au début des années 70, le son commence un petit peu à changer pour devenir un petit peu plus... un petit peu plus rock, pop, un peu dans le genre-là. Et les membres du groupe ont souvent changé aussi, de toute façon, Peter Green est parti. Les seuls membres permanents du groupe, c'est Mick Fleetwood, donc, qui a donné son nom au groupe, et McVie, mais alors j'ai plus le prénom en tête, c'est pas grave, ça me reviendra. John McVie. John McVie, c'est ça. Merci Wikipédia. John McVie qui a fait rentrer dans le groupe du coup Christine McVie, qui avant ne s'appelait pas Christine McVie, Christine Perfect, je crois, avant qu'elle s'appelait. Mais ils se sont mariés, ils sont divorcés plus tard, mais elle est quand même restée dans le groupe, voilà. Qui a commencé à amener un vent nouveau au début des années 70. Ils ont changé de guitariste, ils ont changé de un peu de tout. Mick Fleetwood, c'est le batteur, et John McVie, c'est le bassiste. Hein, donc eux, ils sont tout le temps restés. Donc le groupe marchait bien de temps en temps, un petit peu moins bien. Et puis début des années, milieu des années 70, en 1975, le groupe change encore. Et inclut dans son line-up deux artistes qui émergent, qui sont Lindsey Buckingham, guitariste, et j'ai le trou. Non, ça c'est terrible. Stevie Nicks, exactement. Merci Wikipédia. Ouais, pareil, mais comment, c'est terrible. Là, on sent bien qu'il est 2h du matin. Hein. Alors, on sent bien qu'il est tard, que je réfléchis, donc Stevie Nicks, donc, qui est la chanteuse... Non, c'est pas elle qui a chanté là, c'était Christine McVie. Ces deux-là qui ont amené ce son nouveau au milieu des années 70 au groupe, et à partir de là, ça va être le line-up définitif. Fleetwood, les deux McVie, Buckingham et Stevie Nicks. Et après, ils vont connaître un succès grandissant qui va exploser en 1977 avec un des albums qui fait partie du top 10 des albums les plus vendus de tous les temps, c'est pareil. Donc c'est dire le niveau. Donc cet album, c'est pareil. Rumours, voilà. Bon, merci. Rumours, encore remercie ma Wikipédia, va falloir que je retravaille. Je ferai un don au nom de tous ceux qui viennent ici pour Wikipédia. Exactement, avec donc le tube Go Your Own Way à l'époque. Et donc cette chanson-là, par contre, qu'on vient d'écouter, Little Lies, c'est Tango in the Night en 87. Donc le groupe, il est toujours ultra connu à ce moment-là, mais ça faisait 5 ans qu'il n'avait rien sorti. Parce que les membres ont commencé à vouloir faire des trucs un petit peu chacun de leur côté, des trucs solo. Et d'ailleurs, juste après cet album, Lindsey Buckingham va se tirer. Il avait une relation justement avec Stevie Nicks qui a un petit peu été houleuse. Cet album, ça a été le premier du coup que j'ai découvert avec Fleetwood Mac. Et puis cette chanson, ça a été même la première chanson que j'ai découvert de Fleetwood Mac. J'ai hésité entre celle-là et puis des titres un peu plus classe. Enfin, j'aime pas trop utiliser ce mot parce que cette chanson, je l'adore et tout, mais des chansons peut-être un peu plus élaborées parce qu'on sent quand même qu'on est fin années 80. Il y a cette pop synthé qui est cette pop synthé vibrante sous-jacente. Mais je peux pas renier le fait que c'est avec cette chanson-là que j'ai connu le groupe, et du coup, il y a toujours ce petit instant nostalgie, bien-être, moi qui m'envahis. Et puis voilà, de toute façon, c'est pareil, je trouve que c'est une chanson qui passe relativement bien partout où on l'entend. En été, sur la route, dans la bagnole, alors qu'il fait chaud, tu vois, dans le sud, c'est je trouve que c'est bien. De toute façon, l'album Tango in the Night, il est un peu du même acabit. Est-ce que tu n'as pas peur de commencer à entendre ce genre de groupe sur Radio Nostalgie et de voir passer sur Radio Nostalgie à ton tour? Attends, j'ai pas compris, tu peux répéter? Est-ce que tu as peur à un moment que ce groupe arrive sur Radio Nostalgie et que tu doives changer de station pour passer sur Radio Nostalgie, quand même la radio des vieux, avec France Bleu. Bah ouais, mais le problème c'est que de temps en temps j'y vais sur Nostalgie. aïe. Oui, parce que je ne sais pas si ça s'est remarqué, mais en fait je suis assez vieux dans mes choix musicaux. Années 80 et 70, c'est comme c'était trop. Années 60, 70, 80, là ça se ressent pas trop dans la playlist parce que ouais, je me rends compte qu'il y a vraiment que du 80. Mais à partir de 90 ça va encore, mais je commence déjà à moins apprécier. Et puis à partir des années 2000 je suis un peu réfractaire. Pourtant je suis sûr qu'il y a plein de bons trucs que je loupe, mais le problème c'est que je suis envahi à la radio par les Rihanna, les Beyoncé, les Black Eyed Peas et consorts, et les Nolwenn. Ouais. La soupe c'est toujours difficile. Voilà, les Nolwenn Leroy, les Jennifer, donc voilà, moi je... pas de gros mots, ouais, s'il te désolé, plaît. Désolé, moi ça me donne des boutons. Et donc du coup, non, voilà, je suis sur Nostalgie, ou alors étant donné que j'habite près de la frontière belge, je suis sur Classique 21, qui est une radio belge vraiment de qualité, parce que ça passe des vieux trucs vachement bien. Pas comme Nostalgie, et vraiment un peu de tout, que ce soit du blues, du rock, de la new wave, du reggae, tout ça, vraiment internationaux et puis français, puisque Nostalgie, ouais, c'est plus axé français quand même. Donc voilà, donc Little Lies, Fleetwood Mac, c'est un grand moment de... C'est la chanson qui m'a permis de découvrir le groupe, et je le remercie. On va continuer un voyage dans le temps jusqu'en 1979 avec Sailing par Christopher Cross sur l'album du même nom. C'est pas la chanson qui m'est venue naturellement à l'esprit quand j'ai pensé à Christopher Cross, mais j'étais quasiment sûr d'en mettre une de lui. Au début, j'ai pensé mettre son plus grand succès qui est Ride Like the Wind, donc sur le même album. Donc l'album du même nom, c'est... l'album s'appelle Christopher Cross, pas Sailing, du coup. Mais du coup, j'avais cherché à intercaler une musique un petit peu plus tranquille après Fleetwood Mac. Et puis cette chanson m'est venue naturellement en tête. Puis parce que j'avais pu la tester sur un pote à une époque, qui lui est pas franchement, qui était pas franchement axé sur ce genre de musique, mais on parlait, on avait le disque dans la bagnole et tout. Il y a cette chanson qui est passée, et puis lui il a commencé à plus rien dire, et à la fin de la chanson il m'a demandé de la remettre. Donc du coup, voilà. Donc du coup, un peu un moment magique entre vous, quoi. C'est ouais, bon, plus pour lui là, du coup, parce qu'il découvrait la chanson, mais de toute façon, je la trouve très cool. Christopher Cross, c'est un artiste qui fait du rock californien. Donc voilà. De toute façon, je sais pas si j'ai besoin d'expliquer le concept de rock californien, alors que quand t'écoutes la chanson, t'as l'impression que tu pourrais être sur la plage avec le soleil couchant là, juste derrière. Mais c'est un artiste. J'ai cherché à mettre quelques artistes qui sont pas forcément, qui sont moins connus du grand public, même si ils ont quand même une certaine notoriété. Cet album-là, ça a été son plus connu, et il y a quasiment aucun morceau à jeter sur cet album. Ce morceau-là, il en ressort complètement. Et pour autant, je pense qu'on peut se plonger dans le reste de sa discographie aussi sans problème. C'est un peu le même style, suivant la décennie, ça change un petit peu. Mais moi, personnellement, l'album que je préfère de lui, c'est l'album Rendez-vous, qui est sorti en 92. Que pour le coup, lui, je lui mets 10 sur 10, facile, coup de cœur. Mais voilà, cette chanson, de toute façon, c'est pareil, elle est apaisante, Elle provoque un certain bien-être, pareillement. C'est une chanson qui reste dans ma mémoire à chaque fois. C'est vraiment la chanson de fin de soirée, tranquille, on se repose. Voilà, exactement, c'est ça. Et, et c'est un peu le genre qui fait à chaque fois, même si c'est la plus tranquille de l'album, celle-là. Toutes les autres elles sont un tout petit peu plus punchy. Il faut écouter Ride Like the Wind d'ailleurs pour s'en rendre compte. Ça pète complètement. Et de toute façon, oui, voilà, cette chanson, j'ai toujours plaisir à écouter, je m'en lasse rarement. Et je sais pas si c'est la meilleure chanson pour faire connaître Christopher Cross à ceux qui connaîtraient pas, mais je l'aime beaucoup, en tout cas. Au moins, ils ont au moins entendu Ride Like the Wind. Ouais. Je pense que c'est un des super classiques. Voilà, c'est ça, exactement. S'il faut, s'ils vous ont pas envie de réécouter Céline, qu'ils écoutent Ride Like the Wind, parce que là, au moins, ils pourront danser, ils pourront faire la fête. Celle-là, si vous voulez la passer en soirée, ça marche toujours, généralement. Il y a toujours quelqu'un pour faire un tabalabala à la fin, ridicule, voilà, petit bourré, ça marche très très exactement, bien. Exactement, mais ça égale rarement le cœur d'origine. Oui, il fait ça, oui, bah, surtout bourré en plus. Bon, toujours au pays de Sherlock Holmes, on retrouve Tears for Fears avec Everybody Wants to Rule the World sur l'album The Song from the Big Chair. Continue sur les chansons à écouter sur la route, ouais. Tranquille, le bras à travers la fenêtre quand il fait chaud, pas trop rapide et tranquille sur l'autoroute. Et bah tu veux que je te dise, et bah c'est exactement ce que j'ai fait pendant quasiment un mois que j'ai bossé là. je me la suis mise quasiment en boucle à chaque fois que je prenais la bagnole pour aller au boulot, plus il faisait beau. J'étais là, j'étais en train de gueuler, j'étais en train de chanter la chanson parce que je l'ai apprise par cœur super rapidement. Ça m'arrive assez rarement. Tears for Fears, ouais, ça a été comment je pourrais dire. J'ai eu un coup de cœur tardif, quoi, on va dire, ouais, c'est ça. J'ai redécouvert cet album Songs of for the Big Chair. Et il y a cette chanson qui sort du haut, même si l'entièreté de l'album est bien, mais celle-là, c'est la plus accessible, la plus pop de l'album, on va dire. T'as pas mal de chansons qui sont plus new wave, un peu planantes, un petit peu bizarres. De toute façon, cet album, c'est le plus vendu du groupe. Et il a été porté par ce single-là, le single Shout aussi. Que tout le monde connaît, c'est pareil. Mais celle-là, vraiment... Je sais pas pour les gens, je sais pas pour toi, mais à chaque fois que je l'écoute, je suis bien, quoi. Ça me file la patate. Je peux pas m'empêcher de la chanter. Et en même temps, le sujet des paroles est assez grave, et presque noir, parce que c'est le mec, il dit clairement bienvenue dans ta vie. Y a pas de marche arrière. Faut que tu te démerdes, quoi, presque un peu. J'étais content que les gens essayent de faire des trucs, mais je suis dégoûté que ça rate. C'est clairement ce qu'il dit à un moment donné. Le thème de la chanson est pas joyeux. C'est un peu comme Enola Gay du groupe Orchestral Manoeuvre in the Dark, où ça parle de la bombe d'Hiroshima alors que tout le monde a dansé dessus. Born in the USA, voilà. Il veut juste pas du tout dire ce que... Exactement, ou alors, c'est moins dansant, mais Police, Every Breath You Take... Oui, qui est quand même super flippant. Il y a quasiment tout le monde, souvent on l'entend à des mariages ou des trucs comme ça, ou alors que ça veut dire que... Ou alors c'est une chanson de rupture. C'est comme le stalker qui est en train de surveiller la nana, c'est juste horrible. Exactement, c'est ça. Mais voilà, cette chanson, à chaque fois que je l'écoute, elle me met la pêche. Je pense que lors d'une soirée, il faut la mettre. Vraiment. Parce que ça plaît à tout le monde. J'ai du mal à concevoir qu'elle puisse pas plaire. Donc c'est un peu égoïste peut-être ce que je dis, mais ce rythme, ce tempo, ces mots presque hachés justement sur ce refrain. Finalement, le titre, c'est tout le monde veut tout le monde veut conduire le monde, dominer le monde. Quoi. Donc, c'est pas franchement positif comme message. Ils ont fait une version alternative, puisque à l'époque, on était en pleine période USA for Africa, c'était en 1985. Et donc du coup, il y a eu cet élan de solidarité envers les pays africains. Donc il y a eu ce fameux Live Aid, qui est resté un événement de la musique assez très connu, puisqu'il y a eu le Live Aid aux États-Unis et celui au Royaume-Uni, dans le stade de Wembley. Et à l'époque, il y avait vraiment tous les plus grands artistes de l'époque qui sont venus chanter. C'est un peu genre le concert des Enfoirés, mais en plus gros. Mais en mieux. Bah ouais. Pourtant, les Enfoirés, tu vois, je peux les défendre jusqu'au début des années 2000. Parce qu'à l'époque, il y avait des chanteurs pas dégueux, des beaux duos, des beaux trios et tout. Autant, bon, bah, ces dernières années, je pleure. Et en fait, du coup, ils étaient invités à ce concert et pour je ne sais plus quelle raison, je crois même que c'est pas bien clarifié, en fait, ils y sont pas allés. Mais ils avaient fait ils avaient préparé une version alternative où c'était censé être des paroles un petit peu plus gays. Voilà. Ouais. Mais bon, finalement, ils y sont pas allés, je ne sais pas pourquoi. Et je pense que personne ne le saura jamais vraiment parce qu'il y a des explications diverses et variées. Donc bon. Donc Tears for Fears, un groupe de New Wave, pas cantonné au tube justement 80s, comme on peut le croire souvent avec des groupes qui ont émergé dans les années 80. C'est pas une expérience, mais c'est toujours sympa à écouter. Et ben voilà, on y est. La playlist officielle de Fox est terminée. Une playlist très rock britannique et américain avec un petit peu de chansons françaises quand on y pense. Ah ouais, mais j'aurais très bien pu mettre plus de français, hein, j'ai pensé à mettre du Catherine Lara même, j'aurais très bien pu, mais bon, je me suis dit, voilà, faisons une playlist qui peut plaire à tout le monde. Alors, la sélection a été difficile, mais il y a deux titres que tu as écartés de la sélection, on va les écouter en vitesse. Le premier, c'est To France de Mike Oldfield sur l'album Discovery en 1984. Alors pourquoi tu l'as pas pris celui-là au final ? Alors pourquoi je l'ai pas pris ? Parce que... Il y en avait d'autres des mieux, d'accord, oui, mais certes. Ouais, pourquoi tu l'avais sélectionné au départ ? Non, j'aurais très bien pu le mettre, mais parce que je suis aussi un fan de Mike Oldfield. Je voulais mettre une chanson de Mike Oldfield. Le problème, c'est que j'hésitais entre cette période un peu plus pop avec des titres plus commerciales, si je puis dire, à l'image de ce Two Friends qui est pourtant génial. C'est une très belle chanson, mais. Mais aussi, j'avais pensé à des titres du début de sa carrière qui sont des albums complètement fous, puisque c'est généralement des albums qui contiennent que deux ou trois morceaux, deux, quatre morceaux, mais c'est des morceaux qui font 20 minutes généralement. À l'image de Tubular Bells, donc, que tout le monde connaît. Forcément. Tout le monde connaît en pensant que c'est une chanson de l'Exorciste. Alors que, cet album, cette chanson, qui dure 20 minutes donc. Tout le monde connaît le début. Cette chanson, cet album était sorti avant le film. Et c'est le réalisateur qui a décidé de l'inclure dedans. Et en plus, le pire, c'est que Mike Oldfield, en le faisant, le truc, il s'était dit « Je veux un son apaisant. » Voilà. Oui, bon, bien bon, sûr. Ouais. Voilà. Bon, bah du coup, les gens, maintenant, ils ne soucient plus forcément un son apaisant. Et en plus, cet homme est quand même assez incroyable, puisque le Tubular Bells, il l'a fait du haut de ses 18 ans, je crois, à l'époque. Il n'avait pas la vingtaine, ça c'est sûr, certain. Il l'a fait dans son garage, tout seul comme un grand. C'est un multi-instrumentiste qui peut te jouer de la flûte, de la guitare, de la flûte traversière, de la basse, de la batterie, même des instruments un peu bizarres que toi, tu aurais du mal à imaginer. Et donc je me suis dit, bon, une chanson de 20 minutes, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Même si je pourrais conseiller les albums Ergastrage et j'ai plus le nom en tête, je vais continuer à parler de la chanson le temps que ça me revienne. Là, je peux pas et t'aider, donc, j'ai même pas Wikipédia là. Voilà, et donc cette chanson Two Friends qui correspond quand même au son Mike Oldfield, mais qui a fait un tabac à l'époque. C'est son vraiment deuxième énorme tube en termes de musique pop. Voilà, l'album Incantation, c'est ça. Donc 4 morceaux de entre 15 et 20 minutes. Exorciste, Incantation. Il est abonné le mec. Exactement. Et donc, Two Friends, qui, pareil, me donne une sorte de pêche, une sorte de bonne humeur. Et si je ne l'ai pas mis, c'est parce que justement, je trouvais que... Enfin, je ne sais pas si j'ai réussi, mais il y avait beaucoup déjà de trucs synthés dans mon tout top 10. Tout petit peu. Voilà. Et pourtant, j'ai essayé de me retenir. Mais bon, visiblement, les années 80 correspondent à ce que je pense... qui peut plaire le plus aux gens. Et Michael Field, c'est un peu à l'image de Vangelis, mais dans un style différent. Il aime pas mal les synthés, même si son instrument de prédilection, c'est la guitare. Et de toute façon, je pense qu'il suffit de l'écouter. En plus, il y a ce petit côté celtique que moi, j'adore, parce que j'adore ça, la musique celtique. J'aurais très bien pu mettre du Alan Stivell aussi. Voilà, J'aurais pu mettre tellement de choses. Voilà, j'aurais pu mettre tellement... Un top 10, c'est très pute. Il fallait 10. Oui, c'est très pute. Ouais, un top 20, ça aurait peut-être été mieux, j'aurais peut-être eu moins de regrets, mais il y a tellement d'artistes dont j'aurais aimé parler, moins connus et tout, mais bon, et voilà. Tu changeras de pseudo et tu reviendras. Exactement. Et puis donc, l'album Discovery, d'où est tirée cette chanson, de toute façon, est un de mes préférés, pareil, ça doit être dans mon top 10 album, je pense, ou pas loin. Ensuite, He Knows You Know, Marillion, Script for Jester Steer. Marillion, donc... J'ai un genre de prédilection, même si du coup ça s'est pas vu énormément dans ma playlist, c'est le rock progressif. Oh, ça s'est pas vu du tout. Bah, ça s'est pas vu du tout, même, je pense. Et en fait, il y a eu ce moment, fin années 70, début 80, où le rock progressif était un petit peu mort, presque. Et est arrivé ce groupe, Marillion, qui a fait renaître de ses cendres ce genre avec tout en gardant ce. Tout en intégrant ces sonorités années 80. Et le chanteur Fish a instauré complètement un univers au groupe qui se ressentait sur les pochettes. Il faut voir les pochettes des 4 premiers albums de Marillion, à l'époque où il était encore là, parce qu'ensuite il s'est séparé en 88. Du coup, le groupe a complètement changé, presque aveu. C'était les mêmes musiciens, mais la direction musicale n'était plus la même. C'est aussi bien, mais je préfère quand même ce Marillion premier cru. Et He Knows You Know, parce que c'est un titre rentre dedans, c'est un titre qui te fait même presque un peu peur quand tu l'écoutes, je trouve. Ça ne fait pas peur, genre Tubular Bells dans l'Exorciste, mais il t'accroche bien. Et de toute façon, Fish a toujours été un poète. Il faut étudier un peu plus ses textes. Je dis ça alors que moi-même, je les ai pas trop étudiés. Mais de l'avis de tous les spécialistes, quand on étudie ces textes, il y a pas mal de trucs assez profonds, assez poète maudit, un peu genre à la Baudelaire. D'ailleurs, sa carrière solo est pas mal aussi. Il y a des bons titres. Et en plus, c'est un mec Fish qui, quand il arrive sur scène, il te donne le ton tout de suite. C'est un showman presque. J'ai eu la chance de le voir en concert d'ailleurs dans un tout petit truc avec moins de 300 personnes. Bon, pas parce qu'il a une carrière qui va pas bien, hein, mais parce que c'était sur sa tournée. Et franchement, c'était un grand moment de rock, un grand moment bourrin. J'ai bien aimé. Parce que là, ça pourrait presque se rapprocher. Non, ça se rapproche pas du tout du hard ou du metal. Non. Mais voilà, Marillion, c'est des titres rock comme ça qui tapent et qui sont à la fois assez, qui sont très élaborés. Là, je crois que le morceau celui-là, He Knows You Know, c'est le plus court de Script of the Jester Steers. J'ai arrivé. Script for Jester Steers. Les autres morceaux, ils avoisinent les 7, 8, 9 minutes à chaque fois. C'est pas encore du Dream Theater, mais on s'en approche quand même. Hein. Ouais, c'est pour te dire que c'est le plus court, quoi. Celui-là, il fait 5 ou 6 minutes, je crois. Mais ouais, j'ai hésité entre cette chanson-là et puis White Russian, qui est peut-être même ma préférée du groupe. Mais je me suis dit, pareil, que celle-là, elle peut plaire un peu plus, parce que White Russian, elle a un petit côté un peu plus... bon, pas rap, mais elle a un côté un petit peu plus parlé pendant les premiers couplets. Et puis, t'as à la fin un final dantesque qui, moi, me hérisse les poils à chaque fois. Et puis voilà, donc Marillion, y a les quatre premiers albums avec Fish sont à recommander, je pense. Le deuxième Fugazi est plus... le deuxième Fugazi parle un peu plus d'ailleurs aux fans de Hard, parce qu'il s'en rapproche un tout petit peu tout en n'atteignant pas le degré de folie de ce genre musical, mais généralement il l'aime bien. Et l'album le plus connu, c'est Misplaced Childhood, qui est un album assez particulier, parce qu'il n'a jamais d'interruption. C'est un concept album, vraiment, avec les 10 titres s'enchaînent, sans jamais aucune interruption, mais toujours avec ce thème de l'enfance et tout. Et sur cet album, il y a le titre le plus connu du groupe, qui s'appelle K-League. Quand on écoute He Knows You Know, là, et quand on écoute K-League, on se dit... C'est pas pareil. K-League est un peu plus pop, d'ailleurs. Mais voilà, donc Marillion, parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup depuis pas mal d'années. C'est mon père qui m'a fait découvrir. Parce qu'il avait ce Misplaced Childhood. Et puis voilà, donc j'ai hésité à le mettre aussi dans le top 10. Et puis je me suis dit que... Mais malheureusement, tu ne l'as pas mis. Et c'est exactement. Bien dommage. Ouais. Enfin, mais on l'entend quand même un petit peu et on en parle, donc c'est bien. Ah, mais je couperai comme un sale, comme ça. Hop. Salaud. Chaussée. Et ben voilà, c'est fini. La playlist sympa. 10 titres plus 2. C'était pas trop dur tous ces choix. Enfin, si je pense que ça a dû être cornélien comme choix. Ah si si, ça a été horrible. Parce que j'ai, je te dis, il y a eu tellement d'artistes dont j'aurais aimé parler. J'ai hésité à mettre du David Crosby, du Crosby, Stills, Nash & Young, enfin des trucs comme ça, du Marvin Gaye, enfin, du Paul Naref, ouais, pour parler de trucs français, tiens. Du Meatloaf, enfin il y a plein de trucs dont j'aurais aimé parler, mais bon. De toute façon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. T'es obligé de te limiter à 10. Exactement. Et donc, mais je suis quand même content d'avoir pu parler de ces titres, d'avoir pu défendre eux et puis les artistes qui les ont chantés. Et puis voilà. Donc, c'était très sympa. Que merci Fox d'avoir partagé ta playlist qui sera maintenant gravée sur le marbre avec ton nom qui sera ton épitaphe voilà. Jusqu'à la fin des temps. Mais comme c'est l'épisode pilote, il faudra que je revienne pour l'émission où ce sera un peu plus rodé. Mais il faudra que tu changes de pseudo, on se débrouillera, il y aura une arnaque, on trouvera un truc. Exactement. Sinon, on te retrouve où sur internet? Eh ben, on peut me retrouver sur Twitter @TheNettoFox ou sur Sens Critique, pareil, TheNettoFox. Sinon, je suis acteur de saga MP3 pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, vous pouvez écouter Audio Sentai NettoRanger ou la parodie du Professeur Layton, respectivement réalisée par Mike Lone et Richult, entre autres. Et pour finir, je t'avais laissé le choix entre 3 titres de musique libre de droit. Lequel as-tu choisi ? Alors j'ai choisi The Common Field du groupe, je suppose, qui s'appelle Emerald Park. Pourquoi ce titre-là ? Alors, tu as 20 secondes. Alors, parce que c'est celui qui me semblait le plus sympathique à écouter, même s'il y avait une autre chanson qui s'appelle... D'accord. Même s'il y avait une autre chanson que j'avais trouvé pas trop mal, mais où je trouvais que c'était déjà trop entendu. Bon, même cette chanson là que j'ai choisie, en fait, je trouve que c'est déjà un peu été fait, mais je trouve que ça peut bien passer auprès de n'importe qui. Donc on se dit tiens, écoute ça, c'est pas mal. Après on voit. Bon, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. Merci Fox d'avoir été présent. On va se quitter sur ce morceau. Merci. Puis on vous dit à la prochaine fois si le pilote est confirmé ou si on essaie autre chose. On verra bien. Ok, bah en espérant avoir bien défendu ma playlist et avoir fait découvrir des artistes à des gens. Ouais. Eh ben on verra bien ça, mais a priori moi tu m'as fait découvrir des trucs. C'est déjà ça. Bah c'est déjà ça, ouais. Allez, salut à tous. Au revoir.